get your head together. Pour nous cavoyer, belle musique montée. Nous mettons nous ensemble pour nous faire belle bagaille. Parce qu'on belle musique, qu'amène-nous dans le 7e ciel. Côté qui belle fond, côté qu'on pile tenté. Sans nous pareil, nous calme dans sky. Hey blue sky, where people can be enjoyed. Aïe aïe aïe. Come on people, get your head together. Un cavoyé, belle musique montée. Nous mettons nous ensemble pour nous faire belle bagaille. Parce qu'on belle musique, qu'amène nous dans 7e ciel. Côté qui est belle faux, côté grand pile teinté. Sans nous pareil, nous calme dans sky. Hey blue sky, where people can be joy. Aïe aïe aïe. Vive, vive. We'll be right back. sugar. Get it done.